un peu les filles. Allez, où est-ce que... Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny 2 à Z, le mercredi de 22h à minuit sur RIG 90.7 de la bande FM ou encore le rigfm.fr. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 570e émission Johnny 2 à Z et aujourd'hui nous aurons une thématique, les versions originales, ou si vous préférez, The Originals. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, au cours de ces 2 heures d'émission, vous allez découvrir ou redécouvrir les versions originales des adaptations françaises faites pour Johnny Hallyday tout au long de sa carrière. Ça va se passer comment ? C'est très simple, je vais vous passer d'abord la version de Johnny Hallyday et je vais parler un petit peu après de la version originale et après, paf ! J'enchaînerai de suite sur la version originale. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir découvrir les différences qu'il y a entre la version de Johnny Hallyday et la version originale. Et vous allez souvent me dire, je préfère la version de Johnny ou des fois, je préfère la version originale. Mais en principe, on préfère tous la version originale. La version française, la reprise de Johnny Hallyday. Oui, je me méprends. En effet. Mais voilà, qu'est-ce que je vous proposais ? L'état de choses des années 60 jusqu'à 2014 pour les reprises de Johnny Hallyday, en passant par quoi ? Du Bob Seger, en passant par les Creedence Clearwater Revival. Qu'est-ce qu'on va retrouver en encore, du Chuck Berry, du Elvis Presley et plein d'autres encore. Allez, c'est parti. On va tout de suite attaquer avec Johnny Hallyday qui est à Memphis sur l'album Rock Memphis de 1975 avec la reprise de Eddie Cochran, Jenny Jenny et ta sœur. Bonne écoute à toutes et à tous. Vous écoutez RIG et vous écoutez Johnny 2 à Z. George Montola, ancien vendeur de voitures d'occasion, s'est recyclé dans la musique, souvent associé à Lester Steele, et il écrit des chansons avec son épouse Ricky Page, elle-même chanteuse. Pour leurs maquettes ou séances en studio, il reçoit fréquemment l'aide du jeune guitariste Eddie Cochran, et George Montola et Ricky Page écrivent Johnny Johnny Johnny qu'enregistre K.C. Jones. Pour sa version, Jimmy Maiden fait passer le texte et donc le titre du féminin au masculin. Eddie Cochran, reprenant la chanson, se lance alors dans sa nouvelle manière de chanter, plus forcée, influencé par Little Richard. Earl Palmer est à la batterie et le résultat est superbe, même si le classement a atteint en mars 1958 aux USA la place 94. Rien n'est proportionnel à la valeur artistique du disque. Parfois source de confusion, Little Richard a enregistré Jenny Jenny, une chanson totalement différente en 1957. Voici la version d'Eddie Cochran, Jenny Jenny Jenny. Sweet shoes. a little big bubble. Genie, genie, genie, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and we'll have a ball. Well, first we'll hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we slide. Hopping at the big five four. Teeny, teeny, teeny, when we reach the hall. Oh, well, we rock around the clock and we'll have a ball. Well, first we hop. Yeah, yeah, yeah, then we ball. Yeah, yeah, yeah, then we swap. Oh, rock and roll, well, do the stroll. Hallyday by Hallyday. Extrait de l'album Country Folk Rock. Gary White n'est pas l'ancien organiste de Spooky Tooth pour rien. La musique lourdement basée sur un riff, le tempo dense, les ponts inattendus, tout ici rappelle cet excellent groupe britannique dont l'américain fit partie. En anglais, la chanson fut interprétée par Nanette Workman sur l'album Grits and Cornbreads, ainsi que par Peter Frampton in the Heavy Metal Boys sur Pacific Fright. Et on écoute tout de suite la version de Nanette Workman, Love Taker. We'll be right back. Bernadette Workman sur Antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Et ce soir, je vous propose d'écouter les versions originales d'adaptation pour Johnny Hallyday. À l'instant, l'original de Toi, tu voles l'amour. Johnny et les années 60. Les guitares jouent, ça commence à chauffer. Oui, encore plus fort. Les guitares jouent, le surf on va danser. Oui, encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer. Encore plus fort. Les guitares jouent, mon cœur vient d'enterrer. Mon rêve fou, dans un surf insensé. Les guitares jouent sur un surf infernal. Oui, encore plus fort. Les guitares jouent, et mon cœur a moins mal. Oui, encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer. Encore plus fort, jouer à fond. J'ai envie de hurler, l'amour au fond, ça ne peut pas durer. Jouer. Coïncidence, sur plusieurs points, cette chanson ressemble étrangement à Crier plus fort, un surf signé Bobby Naplas et Patricia Carly, figurant sur un 45 tours d'Orlando, frère de Dalida, accompagné par Paul Moria en octobre 1963. La faute n'incombe naturellement ni à Johnny ni à son équipe, puis s'il s'adonne ici très officiellement à l'adaptation d'un morceau composé par Lee Hazelwood pour le guitariste Al Casey en 1963. L'un comme l'autre sont des proches d'un autre magnifique guitariste américain, Wayne Eddy, dont l'un des succès, Dance With Me Guitar Man, servi de manière flagrante de modèle à Soffin Hootenanny. Dans les deux cas, il s'agit d'un concerto rock pour guitare et chœur féminin, ceux des Blossom. La version de Johnny est très bien exécutée, présente l'originalité de reposer sur une voix principale masculine absente de l'original. Le texte anglais rend hommage à des maîtres à la six cordes, Dick Dale, Dwayne Eddy et les Venters. Et cette idée de tribu et de glorieux confrères avait déjà été utilisé lors de Saturday Night Party de James Carslide et sera repris par Chris Spedding pour son fameux guitar jamboree. Hop là, et on écoute tout de suite la version originale de Al Casey. Les années 80. C'est à l'envers quand ça arrive. Je peux te dire un truc, quand le jour s'est tombé en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils faisaient « Ah, Johnny !» Alors, j'ai fait un con, j'étais là, et là, je peux rien faire, putain de merde. Quand la nuit crie au secours, qui pourrait l'écouter ? Son cœur bat comme un sou, mais personne ne le sait. Une fille passe dans le noir, belle et fragile. Elle sait bien que tout espoir est inutile. Je voudrais maudire tous ceux qui ne l'ont pas aimé. La nuit crie au secours, l'adaptation d'une jolie mélodie anglaise parue en février 1979 sur Head First des Babies, à qui Johnny devait déjà le cœur comme une montagne. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass, but I know a love like ours will last and last. How I love. Johnny et les années 70. Car le rock and roll, en fin de compte, est quand même une musique qu'il ne faut pas oublier, une musique d'ambiance. C'est le rythme, c'est la musique, c'est... c'est... En termes de métier, on dit c'est le pied, quoi. À peine une heure que tu es là et tu cherches déjà une fille. Mais tu vois, non, ça ne marche pas. Elle préfère ce qui brille. Ton heure, c'était il y a longtemps. Ça remue des souvenirs. Les filles donnaient leurs 20 ans. Maintenant tu peux courir. Oh non, qu'est-ce que tu croyais? Que la ville n'attendait que toi. Oh non, qu'est-ce que tu croyais? La ville est bien plus dure que toi. Adaptation de Georges Terme du titre « Qu'est-ce que tu croyais ?» Frank Beckmeyer enregistra « Rock'n'Roll Dancing » sur Beckmeyer Brothers, album du groupe qu'il a monté avec son frère Fred. Il est également à l'origine de « Dommage » et « Tout m'enchaîne ». Le très efficace refrain « Qu'est-ce que tu croyais que l'amour n'attendait que toi ?» a poussé Johnny à faire de cette chanson la face A d'un simple, puis à l'écrire régulièrement dans son répertoire de scène. On écoute tout de suite la version du groupe Beckmeyer Brothers « Rock'n'Roll Dancing » sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Tell me what do you et les années 60. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Une lettre remplie de flammes. Quand tu m'écris de toi, je suis fan et je t'aime. Oh oui, je t'aime. Car pour moi, Johnny, tu seras toujours le premier. La version originale Teenage Later fut créée par Big Joe Turner en octobre 1957 comme Got You On My Mind. Et là, je suis allé un peu vite. Eh ben, on va faire une pause. Voilà. Got You On My Mind, Jerry Lewis l'intégra à son répertoire, ce qui, on peut le supposer, distingue le titre aux yeux de Johnny. Contrairement au groupe anglais The Sowers, qu'il adapta juste avant lui, Johnny n'exagère pas le côté rentre-dedans, rock contemporain du morceau, comme le feront à leur tour les Count Bishop à l'époque du pub rock, préférant pour sa part retrouver un peu de la magie R&B originelle. Années 80. Dans le nombre. célèbre Johnny Hallyday en 1980 sur l'album À partir de maintenant. Et la chanson de Bob Seger apparaît sur Stranger in Town sous le titre Feel Like a Number en mai 1978, dont elle constitue l'une des plages les plus rock. La musique, une fois acquise par les éditions Tandé et parolée par Michel Mallory dans le style Je suis un homme, pas un numéro. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. De chagrin, classée en ouverture du 33 tours auquel elle inspire son nom, la chanson sur le 45 tours est reléguée en face B. Le titre « C'est pas facile » évoque celui d'un morceau des Rolling Stones « It's not easy ». Brian Cadd, pianiste qui a joué derrière Johnny, avait inclus cette musique en 1978 sur « Yesterday Dreams » et peu après, Bonnie Tyler l'a inscrite au menu de l'album récent « It's a Heartache ». Michel Mallory risque un « On s'habitue, c'est fou », sorte de variante clin d'œil à la célèbre phrase de Léo Ferré « On s'habitue, c'est tout ». Voici la version de Bonnie Tyler, Yesterday Dreams. Johnny et les années 2010. J'ai toujours été pervers. Parce que dans le rock'n'roll, c'est toujours le sexe et le rock. Ça a un rapport. C'est profond, long, tendre. Hard. Ah, oui. Ouais. Mmh. les larmes pour me pardonner. Et j'ai pris quand j'ai voulu prendre la belle vie et les heures tendres. J'ai pris tes plus belles années. Nous deux dans ce monde. Je t'aimerai pour tes caresses. De tout mon cœur, je le confesse. Je t'ai même pas dit merci. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. La version originale est de Gary White sur son album Connected de 2010 avec Joe Walsh, Ringo Starr et Jeff Baxter, entre autres, sur l'album de 2010 Connected. Voilà. Et en 2014, Gary White participe à l'album Restez Vivant et offre ce titre à John Hayday, Je t'ai même pas dit merci. On écoute la version de Gary White tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Tenderness to Dans l'émission de Johnny Dehaze ce soir, vous écoutez les versions originales ou vous découvrez les versions originales des adaptations françaises pour Johnny Hallyday. À l'instant, Gary White avec Can't Find No Mercy, qu'on retrouve sur l'album Restez Vivant de Johnny Hallyday en 2014. Johnny et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Je ne fais que passer. Oh oui, je suis chez moi, là où on m'aime. Ailleurs, je suis un étranger. Oh oui, de train en train, de ville en ville, je finirai bien par trouver. Oh oui, une autre ville, un autre hôtel et une autre fille à aimer. Et je ne me souviens plus d'elle et son nom je l'ai oublié. Oh oui, je cours toujours après l'amour, mais la vie va me rattraper. Oh oui, la terre promise n'est pas toujours là où l'on croit bien la trouver. La Terre Promise, Promised Land, adapté par Michel Mallory en 1975 sur l'album La Terre Promise. Michel Mallory qu'on retrouvera la semaine prochaine pour une émission spéciale sur l'album, le livre-disque Johnny 72, ou entre autres country folk rock. Malgré tous les tracas qu'il a pu subir, Chuck Berry demeure un vrai patriote, chantant son amour du pays dans Back in USA, puis Promised Land en décembre 1964, en reprenant cette chanson à la manière Cajun avec un accordéon. Johnny Allen la remet dans tous les esprits, suscitant de nouvelles versions, en particulier celle d'Elvis au studio Stax en décembre 1974. Son simple a de toute évidence appâté aussi bien Johnny qu'Eddie Mitchell, dont les disques sont publiés quasiment simultanément. On l'avait écouté la version de Chuck Berry tout de suite sur Antenne de Vérigé dans l'émission Johnny de A à Z. Et dans mon cœur, elle est encore là. Paul Jenkins, alias Conway Twitty, fut un rocker respecté et devint une star country jusqu'à posséder son propre parc d'attractions, Twitty City. Et en février 1975, il mit dans le mille avec Linda On My Mind, numéro 1 country, des trains, des pleurs, pédale steel et harmonica, tous les ingrédients sont réunis pour un morceau exemplaire de ce style. Now I'm lying here with Linda on my mind, and next to me, my soon to be, the one I left behind. And Lord, it's killing me to see her crying. She knows with Linda on my mind. Yes, I know that I once loved her, and I placed no one above her, and I never thought I'd ever set her free. But it just wasn't in my plan, the way Linda squeezed my hand, the first time that I held her close as she danced with me. She said, I've loved you for a long time, but you're married to a friend of mine, and I try hard to never let it show. But my love for you is stronger, I can't hide it any longer, and so I thought I'd better let you know. Now I'm lying here with Linda on my mind, and next to me, my soon to be, the one I left behind. And Lord, it's killing me to see her crying. She knows I'm lying here beside her with Linda. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live au Parc des Princes 2003. Qui a interprété seulement cette chanson en live au Parc des Princes en 2003, une adaptation de Michel Mallory, encore une fois, sur un titre des Creedence Clearwater Revival, A Run Up The Band. On écoute ça tout de suite sur l'émission Johnny de A à Z. Sinking ship behind. Come on, ride. A Run Up The Band, qui fut sur l'album Cosmos Factory en 1970. Il y a une expression américaine en anglais qui dit Rock and Roll is dead, ce qui veut dire le rock and roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. John Bon Jovi et le guitariste Richie Sambora, tous deux originaires du New Jersey, forment le noyau dur du groupe Bon Jovi, dont le troisième album Slippery When Wet fut classé numéro 1, se vendant à plus de 12 millions d'exemplaires en 1986. Ils sont spécialistes d'un style dit hard FM, entre variété et hard rock, qui font une nouvelle démonstration ici. Richie Sambora fut un temps le chevalier servant de chair, assure lui-même le studio dans cette chanson-là, Le Nom Que Tu Portes. Mais ce titre existe en 1987 sous le nom du groupe The Dalton, avec le titre You're Not My Lover But You Were Last Night, qu'on écoute tout de suite dans l'émission Johnny de A à Z. Yeah. Johnny et les années 60. Et par ici. Il y a deux façons de pleurer. Lorsque l'on veut pleurer, l'une c'est de se dire au revoir, l'autre de ne plus se revoir. Et c'est la façon à chaque fois font que l'on pleure au fond de soi. On y met tout son cœur et puis on y met tout son cœur. Réalisé en 1963 à Nashville, cette francisation d'un titre d'El Shannon avait certainement le tort d'être trop proche de Si tu penses, adaptation de Little Town Flirt, précédemment succès de Del Shannon, récemment enregistré par Eddie Mitchell, et cela pour expliquer qu'elle ait été délaissée à l'époque et ne réapparaisse qu'en 1993. Écoutons la version de Del Shannon, Two Kinds of Teardrops. There are two kinds of teardrops. Lonely teardrops, they come when lovers say goodbye. I know the last lover you had, he let you down and treated you bad. I know he made you cry, oh yeah, I know he made you cry. Those lonely teardrops. But there's another kind of teardrop. Johnny et les années 80. Oh! Ah! Quel métier fatigant. Certains acteurs anglais sentent qu'ils doivent revenir à Shakespeare pour raviver leur art. Johnny retrouve régulièrement l'inspirateur de ses débuts, Elvis Presley. That's When Your Heartaches Begin fut écrit en 1940. Le groupe vocal afro-américain Ink Spots en fit un succès en 1950, introduisant le passage parlé et suscitant les versions de Bob Limb en 1951, puis de Bill Nunn and the Buddies en 1952. Quand il vient effectuer ses premiers essais à ses frais chez Sun en 1953, Elvis choisit cette chanson. En janvier 1957, engagé par RCA, il enregistre cette chanson pour de vrai. That's When Your Heartaches Begin. Elvis Presley sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z, l'original. If you find your sweetheart in the arms of a friend, that's when your heart is. When dreams of a lifetime must come to an end, that's when your heartaches begin. In the arms of your best friend, brother, that's when your heart aches begin. And you know when all your dreams, when all your dreams of a lifetime must all come to an end. That's when your heart aches. Begin. Oh, you see, love is a thing that you never can share. And you know, when you bring a friend into your love affair, that's the end of your sweetheart, that's the end of your friend. Well, that's when your heart aches begin. Johnny et les années 70. Vous savez, un vieux rocker, c'est jamais fini. Hein. Il faut toujours boire le dernier. doigts ce titre, Fais ce que je dis pas ce que je fais, adapté par Michel Mori. C'est le titre I'm Old Enough par Francis Funky Miller, qui possède une voix rock et généreuse, utilisée avec beaucoup de sentiments, à tel point qu'il fut souvent comparé à Paul Rogers. Après avoir fait partie des Stoics et puis de Jude, il enregistre un premier solo album, un premier album solo, Once in a Blue Moon, produit par Nick Lowe en 1972, High Life en 1973, réalisé à la Nouvelle-Orléans, et qui contient des chansons que d'autres se précipitent pour reprendre, et aussi l'album The Rocks, qui inclut I'm Old Enough en 1975. On retrouve Frankie Miller en 1976 en live, interprétant le titre I'm Old Enough. Thank you very much. Say good night. God bless you. Johnny et les années 60. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. J'ai confiance. Après la première séparation des Small Faces, Steve Marriott rejoint Peter Frampton au sein de Humble Pie et apporte quelques-unes de ses chansons, dont What You Will, celle-ci qui figure sur le premier LP du groupe, A Safe As Yesterday, en juillet 1969, donc plus de deux mois après le disque de Johnny. Et Regarde pour moi constitue l'une des plages les moins frénétiques d'un album qu'il est assurément. On part de l'album, bien sûr, Rivière, ouvre ton lit. Voici Humble Pie, What You Will. Feel my life is slipping. Johnny et les années 70. Et par ici. Johnny se montre à l'aise sur un canevas traditionnel de blues, terminant sur un cri de tout ce qu'il y a de primal. Et ce titre est tiré de l'album How the Good. Et le titre de l'album s'appelle How the Good aussi, sorti en 1972 sous le titre Ain't Hard to Stumble. On les écoute tout de suite, How the Good sur RIG. Yeah, baby. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Si tu pars la première, je t'adresse ma prière. Ami de Mickey Jones a composé ce morceau et l'a enregistré sur Footprint en 1971, suivant un courant assez fort à cette époque et dont Leon Russell et Don Nix sont les meneurs qui mêlent rock, country et gospel. Le rôle des choristes est ici fondamental. Ne pas faire la confusion avec Si tu pars, paru un an et demi auparavant. Voici la version de Gary Wright, If You Treat Someone Right, sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, on écoute les versions originales. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. se font avec la nuit. Le vent s'est calmé dans la maison, je ne sens battre que ma vie. On va pas l'écouter, on va pas attendre jusqu'au refrain. Il me faudra plus de temps que m'en donnera la vie pour l'oublier. Ouais, ouais, c'est une chanson que de Kris Kristofferson sous le titre Loving Her Was Easier Than Anything I Do Again, un titre à rallonge qui a été adapté par Michel Mallory et qu'il aura repris en 1975, une fois que Johnny avait enregistré l'album La Terre Promise sur son album d'Aubervilliers à Nashville. Lui, il avait interprété ce titre pour l'oublier, Il m'en faudra plus de temps que ne m'en donnera ma vie. Et cette chanson est restée inédite jusqu'en 2012 avec ce titre légèrement différent. Voici de suite Kris Kristofferson, Loving Her Was Easier Than Anything I'll Do Again. I have seen the morning burning golden on the mountain in the skies. Aching with the feeling of the freedom of an eagle when she flies. Turning on the world the way she smiled upon my soul as I lay dying. Healing as the colors in the sunshine and the shadows of her eyes. Waking in the morning to the feeling of her fingers on my skin. Wiping out the traces of the people and the places that I've been. Teaching me that yesterday was something that I never thought of trying. Talking of tomorrow and the money, love, time we had to spend. Loving her was easier than anything I'll ever do again. Coming close together with a feeling that I've never known before in my time. She ain't ashamed to be a woman nor afraid to be a friend. I don't know the answer to the easy way she opened every door in my mind, but dreaming was as easy as believing it was never gonna end. And loving her was easier than anything I'll ever do again. Thank you. wa ba ba lu ba ba la ben boom. Johnny et les années 60. Oh oui, je l'aime. Je l'ai connu la la en twistant le ya ya. Lui était mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, tu sais qu'elle m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends enfin. Dans mon cœur lourd comme un refrain. L'air du souvenir n'en finit plus de gémir. Ya Ya Twist en 1962, créé par Lee Dorsey et reprise par John Dee, la chanson américaine ne mentionne nullement le twist. George Abert prend la liberté d'ajouter le nom de la danse à la mode afin de toucher plus rapidement le public. Il ne connaît pas encore Johnny personnellement et conçoit cette adaptation principalement pour Petula Clark, dont ce sera l'un des nombreux succès des deux côtés de la Manche. La concurrence fut rude entre les enregistrements de Richard Anthony, Burt Blanca, Les Champions, Dominique, Gary Lange et ses démons, Rock Kirk Graziano, Les Guitares du Diable, Malika accompagné des Golden Stars, Harold Nicolas, Twist and Twist, etc. Et la chanson est actualisée en 2001 par Slim Batteux en duo avec Francis Cabrel sur la chanson Autour du Blues. Mais écoutons la version originale de Lee Dorsey avec Ya Ya. Sitting here, la la, waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Baby, hurry, don't make me worry. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. You know that I love you. I love you. Sitting in la la, waiting for my ya ya. Sitting in la la, waiting for my ya ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Sur les oreilles, vous écoutez Johnny de A à Z. C'est ma dernière cigarette, mon dernier verre de rhum. J'ai droit à 2 minutes. Pour la prière des hommes, on m'en a jamais apprise. Et j'ai peur comme un enfant. Oh Dieu, que cette aube est grise pour mourir maintenant. La justice des hommes s'est trompée. Il n'y a personne pour m'entendre crier. Butch est un organiste entendu sur un nombre incalculable de disques, notamment sur ceux de Jackson Browne, de Crosby, Stills & Nash, etc. Participant aux séances de que Johnny effectue à Los Angeles en 1971, d'évidence, c'est lui qui a proposé cette musique qui, parallèlement, figure sur un album du groupe Rosebud sous le titre Salvation. On écoute ça tout de suite et puis on aura l'histoire, évidemment, la semaine prochaine pour l'émission spéciale Johnny 72 Country Folk Rock avec Michel Mallory. He's sleeping in the hallway, sick with cold and wine. The doors are locked before him, his bridges burn behind. Like a singing bird in winter with a solitary song. Nobody there to hear him, nobody helps him along. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 70. Envoie-moi la musique. Ma mère m'avait dit elle porte malheur. Style du magnifique groupe britannique Spooky Tooth, Mike Harrison, Luther Grosvenor, avec Mick Jones également, Gary White, Greg Ridley, Mike Kelly, Johnny lui emprunte deux titres de l'album You Broke My Heart, So I Bust Your Jaw. Ça veut dire, gros, tu m'as cassé, tu m'as brisé le cœur, donc je te pète la gueule. Deux titres, Wildfire, le feu, et Moriah, avec en prime la participation de Gary White. Voici la version originale de Spooky Tooth, Moriah. Sur Antenne de Régé dans l'émission Johnny de A à Z, avec une petite version qui va durer plus de 6 minutes, mais on les courtera. Johnny de AZ, ici sur l'antenne de RIG. Et oui, ce soir dans l'émission Johnny de A à Z, on écoute quelques versions originales d'adaptation pour Johnny Hallyday de 1962 jusqu'à 2014 ce soir. Et voici le prochain titre qu'on va retrouver, Johnny Hallyday en 1976, extrait de l'album Derrière l'amour. Tom Jones est un compositeur qui a déjà porté chance à Johnny avec le titre « J'ai pleuré sur ma guitare ». Tender Memory est figure sur un simple de Tom Jones paru en 1975. La teneur des paroles françaises rappelle un peu celle de « Thank You Darling » chantée par Ricky Nelson. Et on écoute tout de suite la version de Tom Jones « Tender Memory ». La version est légèrement différente. Back to you and me, I was wishing you were there. It was good to feel again the way I used to feel. Oh, you're coming back to me in a tender memory, and you're still so. And you're still sweet the way you used to love me. Never thought you'd be just a tender memory. You fill my lonely night. I still dream your home. Oh, I need you so, I can't let go. And when my dreaming ends and I wake alone, the only way you're holding me is in a tender memory. And you're still so inside of me, and you're still sweet the way you used to love me. I never thought you'd be just a tender memory. No, I never thought you'd be just a tender memory. de nous deux a manqué un train. Quel effet ça fait d'être celui des deux qui reste? Tu n'es pas la seule fille au monde. Tu n'es pas la seule fille sur terre. Toi, tu n'es pas la seule fille blonde. Et tu n'es pas la seule à me perdre. Michel Mallory prend le contre-pied du titre américain. Tu es le seul dont j'ai jamais eu besoin. Le titre original, c'est You are the only one I ever needed. La signification change-t-elle pour autant? La version originale figure sur un album de la drôle de dame Cheryl Ladd, sur l'album Dance Forever en 1979. Johnny et les années 90. Ma vie privée, je n'en ai pas. Je travaille 11 mois sur 12. En fin de compte, ma vie secrète, dans une année, se complète à un mois. Je ne peux pas trahir mon public, pour la bonne raison que 99% de ma vie est à eux. Senti pour produire l'album de Johnny Hallyday, ça ne change pas un homme, mais il ne se serait pas entendu avec les cadres de Philips. Il est cependant présent avec les guitares Fémal et cette chanson. Do You Have Got a Bell, autrement dit Une Journée. Sa version, l'original donc, figure sur l'album Dangerous en 1983. Tony Joe White, s'adressant à la dame de ses pensées, il n'y va pas par quatre chemins pour lui poser la question « As-tu un porte-jartel ? Veux-tu bien mettre des bas ?» Étienne Rodagil ne conserve pas cette idée. Le boogie de Tony Joe White, ici guitariste, harmoniciste et producteur, chauffe vraiment. Propulsé par la merveilleuse rythmique du Muscle Shoals Sound Studio, David Hood à la basse et Roger Hawkins à la batterie. Écoutons la version de Tony Joe, Do You Have a Girl Belt. T'as un porte-jartel, hein? Head down long, like the way your voice sounds on a telephone. You know you look sexy in tight blue jeans, but there's one thing I've got to ask you, please. Do you have a garter belt? Would you wear stockings? Do you have a garter belt? Would you wear stockings? Avec Antenne, The Originals, c'est-à-dire on découvrait, on redécouvrait les titres originaux d'adaptation française pour Johnny Hallyday. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission spéciale Johnny Hallyday avec le livre-disque, le nouveau livre-disque, Country Folk Rock, avec entre autres la participation exceptionnelle de Michel Mallory. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté cette émission et on se retrouve la semaine prochaine dès 22h. Bonne nuit à toutes et à tous, ciao ciao.